Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Décryptage, Philippe Delaroche. Bonsoir, allons-nous vers une humanité augmentée ou toujours plus diminuée? Autrement dit, cette humanité augmentée, évidemment au détour de ce qu'on présente comme des progrès scientifiques qui touchent aussi bien à la robotique que dans un autre domaine, évidemment, à ce qu'on appelle les cyborgs, les corps bioniques, le marché des greffes, la gestation pour autrui, l'amélioration, bien sûr. On appelle ça parfois du matériel humain. Est-ce que tout ça est de bon augure ou au contraire apprendre à examiner, en tout cas avec sang-froid. C'est la question que nous allons soulever ce soir en compagnie de mes deux invités. J'aurais commencé par saluer Alain Touraine. Bonsoir Alain Touraine. Bonsoir. Merci d'être avec nous Alain Touraine. Je rappelle que vous êtes un fameux sociologue ou un sociologue fameux. Vous êtes fait connaître à l'occasion notamment de vos études et vos travaux sur les mouvements sociaux. Je voudrais mentionner évidemment un livre que mon deuxième invité a sûrement eu sous les yeux, évidemment, c'était La conscience ouvrière, 1966. Beaucoup tout a coulé sous les ponts depuis, bien sûr. Moi, je me souviens toujours de... Oui, pas tellement. Ah ben, on va en parler. il y a moins de... Dans notre partie du monde, il y a moins d'ouvriers. Oui. Enfin, on vient de fêter les 50 ans de mai 68, si vous voulez. Donc... Ah, mais ça, c'est pas... ça fait quand même un demi-siècle, oui. Alain Touraine. Et puis, je voudrais rappeler évidemment aussi cet ouvrage, parce que ça fait écho avec l'essai que vous publiez ces jours-ci. Donc, c'était évidemment La société post industriel en 1969. On se souvient que c'était un thème très prégnant dans ces années-là, les années 70. Et il se trouve que là, vous publiez donc une défense de la modernité, un ouvrage de 384 pages qui paraît aux éditions du Seuil, 24 €. Et je me suis dit, si Alain Touraine se porte en défense de la modernité, je n'avais pas remarqué qu'elle était à ce point menacée, en péril de mort. Et ce qui me frappe, Alain Touraine, c'est que votre avant-dernier ouvrage, donc vous avez publié au printemps dernier, c'était un entretien, si je ne m'abuse, qui s'intitulait Macron par Touraine. Alors, de vous à moi, donc c'était vos propos ont été recueillis par Denis Lafesse et par les éditions de l'Aube. Et dans cet ouvrage, donc, où quelque part vous faisiez crédit au président Emmanuel Macron du tournant qu'il avait à négocier pour ce pays. Et vous décriviez la société française pour partie désorientée, rétive à la modernité et à la mondialisation, affaiblie par une démocratie, un système institutionnel et un potentiel d'humanisme défaillant. En bref, d'après vous, nous étions au chevet d'une communauté humaine en panne de sens et donc en peine de se créer un avenir. Alors je suppose qu'avec ce livre dont on va parler dans un instant, vous percevez un avenir, Alain Touraine. Désirable. Un avenir désirable, tout le monde le souhaite. Mais je ne sais pas si je souhaite un avenir... Je souhaite plutôt qu'on... Parce que c'est pas à la modernité que vous voulez du bien, c'est à nous que vous voulez du bien, oui. Alain Touraine, ça concrètement. Vous avez bien raison. Quand je dis « je défends la modernité », cela veut dire que je pense que le bien est lié à la modernité. D'accord. Il y a une corrélation entre l'un et l'autre. Ceci vient de cela. D'abord, une chose très simple, que ce qu'on appelle la modernité, c'est tout simplement... cette chose un peu élémentaire qu'il y a eu à partir d'un certain moment des sociétés qui se sont définies par leur capacité, leur volonté de changer, de se changer, de changer leur environnement, de se créer une histoire. Une révolution en soi. Nous parlons de l'historicité. Bon. Et moi, je suis très attaché à ça. Je pense que en dehors de la création, de la capacité de créer de l'histoire, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de bien possible. Alors là, vous êtes en train de faire une place aux politiques, à proprement parler. Ce n'est pas seulement la capacité de création, c'est aussi évidemment le rôle du politique. Oui, mais je préférerais dire d'abord, parce que je considère que c'est plus large, le thème de la créativité. Alors, parce c'est un thème qui court, encore une fois, le propos de mon deuxième invité, Alain Touraine, si vous permettez que je le présente, Yves Roucaud. Bonsoir, Yves Roucaud. Bonsoir. Hiro Cote, vous êtes philosophe, professeur de sciences politiques à Paris-10-Nanterre, c'est toujours le cas. Oui, oui. Bon, vous trouvez encore des étudiants ? Oui, oui. Attentifs ? Oui. Sympathique. Voilà. Attentif. Et donc, il se trouve que vous publiez dans cette fameuse collection La liberté de l'esprit, qu'il faut rappeler qu'elle a été créée en 1947 par Raymond Aron. J'ai eu l'occasion de lire Arthur Koestler dans cette collection, à l'époque où il avait tout le monde progressiste contre lui. Je vous le rappelle, Hiro Cote, ça vous le saviez. Et vous publiez donc un ouvrage, on peut dire, au ton large, très lyrique, hein, Le bel avenir de l'humanité, sous-titré La révolution des temps contemporains, un ouvrage de 506 pages paru chez Calman Lévy, 21,90 €. Alors, Yves Roucault, on discutait avec à l'instant avec Alain Touraine, encore une fois, de cette fameuse affaire de la modernité. S'il se porte en défense de la modernité, c'est qu'elle lui paraît. Elle paraît être attaquée. Vous, votre propos, c'est pas de défendre la modernité, c'est de, comment dire, ouvrir une perspective qui vous paraît trop abondamment masquée, voire dénaturée, qui est effectivement la capacité de création de l'humanité en général, de l'homme en général. Et ce qui vous agace, hein, ce qui vous horripile, c'est ce que vous appelez la pensée magico-religieuse, moralisatrice, qui continuellement chercherait à entraver, encore une fois, cette marche en avant. Et beaucoup de... Oui, c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, moi, mon livre, d'ailleurs, en opposition frontale au livre d'Harari, Homo sapiens et Homo Deus, en opposition frontale, décrit l'histoire de l'humanité en montrant qu'au fond, on a eu deux grandes périodes. On a eu la période qui a conduit jusqu'au néolithique, à la sédentarisation. Et aujourd'hui, nous avons une deuxième révolution, qui est ce qu'elle s'appelle les temps contemporains, celle des temps contemporains, où l'humanité découvre d'une part sa nature créatrice et l'affirme, aussi bien par rapport au monde que par rapport à lui-même. Donc ça va jusqu'à transformation biologique de l'humain et bien sûr transformation de la nature tout entière. Et d'autre part, cette deuxième grande révolution, donc après le néolithique, cette révolution est une révolution qui est à la déterritorialisation des individus et à l'individualisme donc glorieux, j'ai envie de dire. Donc on s'arrache au berceau, pour une voilà. Formule que vous oui, utilisez. Voilà, c'est ça. On s'arrache au berceau. Je reprends l'expression du créateur de l'aéronautique en expliquant qu'en effet, nous avons, c'est bien de vivre dans son berceau, mais la Terre, mais qu'on n'est pas obligé d'y vivre toute sa vie. Voilà. Alors, il y a un point que j'aimerais éclairer tout de même, Yves Roucault, parce que vous y allez fort, hein, vous n'y allez pas à la louche, vous y allez au marteau. Quand vous dites, par exemple, vous parlez de la fin de la préhistoire, eh bien, c'est aujourd'hui la fin de la préhistoire, oui. S'ouvre à présent ce que vous appelez une histoire, donc débute une histoire. Ça signifie qu'il y a une part de néolithique dans la modernité dont parlait Alain Touraine. Quelle est la part du néolithique dans la modernité, Yves Roucault ? Par exemple, le rapport aux politiques. Vous parliez du politique tous les deux tout à l'heure. Le rapport aux politiques, par exemple, la façon dont le culte du politique, le culte des chefs politiques, le surgissement des États, par exemple, la façon dont les États sont construits avec leur verticalité. Alors, c'est le culte d'État ou c'est le besoin de l'État ? Non, je pense que ça vient... l'art moderne, tout ce qu'on veut. Je reprends dans le livre, justement, l'ensemble des activités humaines. Le quadrillage, par exemple, des savoirs, la non-hybridation, etc. Toute l'histoire de l'humanité a été construite à un moment donné autour d'un phénomène très fort qui était le phénomène de la sédentarisation des populations nomades. Mmh. Celles-ci ont construit leurs univers. On a inventé à ce moment-là une quantité de divinités qui contrôlaient l'humanité. À partir de ce processus, des processus que je décris dans le livre avec un certain humour quand même, avec plus d'humour que ce que j'ai l'air de dire là, durant toute cette histoire, on a vu se construire des phénomènes qu'on appréhende aujourd'hui comme le nationalisme, comme les exterminations de masse, comme etc. etc. Tous ces phénomènes qui se dissolvent parce que c'est la fin du travail, parce que c'est la fin des États, parce que c'est la fin du rapport à la femme qui est enfin libérée dans son corps créatif, parce que c'est etc. Donc je décris tous ces processus-là. Mais à la fois vous les décrivez, mais en même temps vous reconnaissez qu'ils ont une valeur. Mais par exemple, l'abolition du travail, pour vous c'est positif. Ah mais bien entendu, sommes dans un environnement fantastique, c'est-à-dire que ça peut se discuter ça. Ça se discute bien sûr, mais ce que je crois c'est que tout converge, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'intelligence artificielle, l'art contemporain, la nouvelle moralité qui se construit, etc., les réseaux sociaux, tout converge vers un même phénomène. Et tout ça en harmonie ? Et oui, finalement, en harmonie, même si... C'est là, ça qu'on peut éventuellement redouter, qu'il n'y ait pas d'harmonie, et ouais. même des contradictions. Non, ce que je crois, c'est que nous allons vivre des phases de transition extrêmement difficiles, et qu'on voit déjà aujourd'hui, parce que, par exemple, la disparition des emplois qui est programmée, on va dire, d'ici 2040, pour 90% des emplois, et à la fin du siècle, en tout cas, probablement la quasi-totalité, sinon la totalité, d'après les travaux qui sont faits aussi bien à Oxford, qui sont faits en Californie, etc. C'est-à-dire que le travail deviendra, si je peux dire, l'apanage prestigieux d'une élite. Non, non, c'est le contraire. C'est que je pense le travail... Ou l'emploi, alors. Ce que je montre, justement, c'est que toute l'histoire, c'est que le travail a été vécu et logiquement comme une obligation. Tripalium. Oui, mais on le voit dans toutes les langues. Toutes les langues, on a la même origine. On voit le rapport à la souffrance, à l'esclavage, au servage, etc. Toutes les... Mais je crois qu'il y a aussi une dimension épanouissante dans le travail. Notamment chez les marxistes, chez les chrétiens aussi, d'ailleurs. Non, je pense pas. Je pense que la vérité, c'est que on a eu ça dans les milieux totalitaires aussi. On a vu ça dans le nazisme, le travail libre, etc. C'était une caricature. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la vérité, c'est le nazisme, c'est aussi un culte du progrès, hein, je vous rappelle. Ouais, c'était tendance. Bon, la vérité, oui, mais c'est un phénomène de modernité, le nazisme, et à l'évidence, le stalinisme aussi. Mais la vérité de cette histoire de travail, c'est que le travail, et d'ailleurs, on le voit dans toutes les cultures. Alors là, pour le coup, qu'est-ce que je parle de ce qui s'est passé à Sumer, aussi bien qu'en Chine, etc. Le travail, dès le départ, est conçu comme ou une punition, ou c'est souffrance. Soit le travail esclave, soit le travail créatif, évidemment. Non, mais comme une obligation. Il y a un abîme entre les deux. C'est quand même lié à la souffrance et à l'obligation. La vérité, c'est que le travail est un processus qui permet pour l'humanité, qui lui a permis de survivre face à des conditions extrêmement difficiles dans une nature qui, il faut le dire, est quand même marâtre. Elle n'est quand même pas hostile, très sympa. Disons. Ah oui, la nature n'est pas très sympa pour l'humain. Surtout quand la température a chuté de 15 degrés. C'est un peu le cas en ce moment. Donc, toujours est-il que... voilà. Donc, on a une histoire de l'humanité qui a dû se battre pour essayer de survivre. Et bien entendu, tout porte témoignage, que ce soit le mythe de Prométhée, que ce soit les mythes sumériens. On a une souffrance humaine par rapport à cette question-là. La vérité, c'est que la riche... Et la modernité ne nous a pas débarrassé de ça. Au contraire, la modernité n'a pas vu le problème, n'a pas vu, par exemple, l'origine des richesses. L'origine de la richesse des nations, ça n'a jamais été le travail, ça a toujours été la créativité et l'innovation. Et c'est très important parce que l'une des grandes erreurs du marxisme et aussi du libéralisme, c'est d'avoir attribué au travail, au temps de travail et l'exploitation du travail, l'origine de la richesse. L'origine de la richesse, ça n'a jamais été ça. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, les entreprises les plus performantes en termes de profitabilité, c'est l'entreprise, par exemple, on utilise l'intelligence artificielle à la part des humains, à la place des humains dans les grandes entreprises, où les États les plus puissants, c'est les États où précisément tous ces travaux qui étaient difficiles, qui étaient durs, ont disparu ou disparaissent. La vérité, c'est que la créativité est à l'origine de l'innovation. Et elle le sera de plus en plus, parce que la fin du travail ne signifie pas la fin de l'activité. Alors, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est le contraire. Je vois bien que là, vous raisonnez en philosophe. Alain Touraine raisonne plutôt en sociologue. Vous oubliez que la créativité, ça réclame des moyens parfois considérables, qu'il faut mobiliser. Ça réclame évidemment des ressources, hein, de plus ou moins, d'ailleurs, plus ou moins dissipables. Hein, ça suppose des pertes. Il y a aussi cet aspect-là. Pour vous, Alain Touraine, s'il faut défendre la modernité, est-ce que la modernité, en soi, a déçu ou déçoit ce qu'on remarque aujourd'hui? Parce que vous évoquez les trois mondes, hein, les trois zones. Vous dites, il y a d'une part, je résume, hein, l'oligarchie, on pourrait dire des multimilliardaires, donc qui sont des États presque à eux-mêmes. Il y a d'autre part ce que vous appelez les régimes autoritaires, on parle des régimes illibéraux, ça c'est la deuxième catégorie. Et puis la troisième, donc les régimes ou les mouvements, dites-vous, communautaristes et identitaires, dominés par la haine de l'autre. Bon. Si cette modernité est mise en cause aujourd'hui, c'est pour quelle raison essentiellement? Nous, ce qu'on relève quand on commente les résultats, les scrutins, que ce soit en Allemagne, hier au Brésil, etc., ce qu'on constate, c'est qu'il y a une demande inouïe, tout à fait inattendue de la part des gens, ce sont peut-être des mauvais êtres, mais de sécurité. C'est très étonnant, ça. Attendez, je suis un peu perdu parce que... Donc, est-ce que la modernité déçoit? Défile devant nos yeux. Je ne sais plus si la modernité commence... Ça, c'est la pensée laser, hein, vous savez. Non, je veux dire par là qu'il n'y a aucun doute que notre personne ne considère que nous avons vécu depuis le néolithique ou je ne sais trop quand, que nous avons vécu dans un monde de triomphe et d'avancée dans la technologie et l'abondance. Personne n'a jamais pensé ça. Tout le monde a toujours dit, à droite, à gauche, à ce niveau-là, c'est général, qu'il y avait toujours le travail comme peine, effort, chute, surtout dans les religions ou dans les histoires, etc. Bon, la question n'est pas là. La question que je pose, moi, c'est une situation qui n'est ni celle du tripalium, ni celle du surhumanisme. Celle du passage progressif d'une activité qui est essentiellement de la reproduction à des activités qui sont d'abord de la production et de plus en plus de la conscience de soi. Ce que j'ai voulu dire, qui est beaucoup plus limité, c'est que, pour moi, la grande différence, c'est qu'il y a des sociétés qui ne cherchent pas à changer et à faire de l'histoire. Ce que nous ont appris les ethnologues, Marcel Mauss, Lévi-Strauss et bien d'autres, c'est que les sociétés qu'on appelle primitives, ce sont des sociétés qui ne veulent pas faire de l'histoire, qui ne veulent pas faire de l'accumulation et de l'investissement, qui dépensent tout et qui, d'une certaine manière, s'amusent. Mmh. Et le don, par exemple, pour parler de Marcel Mauss. Mmh. Bien. Et qu'on est passé de ça à des sociétés qui, de plus en plus, se saisissent petit à petit en tant que créateurs et transformateurs. C'est-à-dire qu'au-delà de l'homme naturel, avec des besoins qu'on peut appeler naturels, c'est-à-dire qui sont inscrits dans les règles de la société, dans les structures, le mot est tout à fait fondamental, de la société, et il y a des sociétés qui ne se définissent plus par leur structure, mais par leur histoire, c'est-à-dire par leur capacité de changement. Et donc, qui découvrent, c'est ça le thème général que je développe, qui se définissent de plus en plus comme par leur conscience de soi. Non, il peut y avoir des intermédiaires, c'est un peu le domaine de Foucault, mais je dirais que pour l'essentiel, c'est quand même cette dualisation, c'est-à-dire la conscience de soi, la réflexivité qui devient l'activité principale. Quand on dit qu'il y a de moins en moins de travail, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y en a évidemment de plus en plus, puisqu'il y a quand même de plus en plus de gens vivants qui vivent sur la Terre. Donc, je veux simplement dire qu'il y a de moins en moins, quoique encore beaucoup, de gens qui vivent de la reproduction, mais de plus en plus de gens qui se soucient de la réflexivité, de la créativité, et qui donc ont comme objectif non pas de maintenir ou d'augmenter les ressources naturelles. Leurs conditions d'existence matérielle. Mais oui, encore que tout ça est tout à fait important. Les problèmes de pollution, par exemple, ou tout ce qu'on voudra. Et les problèmes des partiellement réels des écologistes. Mais qu'il y a ce qui est ma préoccupation principale, c'est-à-dire un contrôle de plus en plus grand sur et les organisations sociales et les ressources naturelles qui permet de sauver l'homme en tant que créateur de lui-même. C'est-à-dire la conscience de soi qui commence comme on voudra. Mais moi, je fais partie des gens, ce n'est pas un aspect fondamental de ce que je dis, qui croient que ce début, et ça peut vous intéresser éventuellement, que ce début est au fond avant tout lié au monothéisme. C'est-à-dire, c'est le moment où on se met à parler de l'homme créateur à partir du moment où on parle de Dieu comme créateur et non pas comme nature. Et donc, à la limite, je dirais, quand on parle de la nature comme d'une création, c'est déjà Et quand on suggère qu'il y a une dette à l'endroit de tout ça. Oui, mais non, c'est surtout, si vous voulez, que Le Dieu est... créateur, pour moi, c'est l'homme héritier. C'est la première étape du passage vers l'homme créateur, y compris de Dieu. On va revenir à la création dans un instant. Dans l'immédiat, nous allons écouter, ça ne va pas nous rajeunir, Cat Stevens, Wide World. Radio Notre-Dame. Voilà, Cat Stevens, Wild World, un monde sauvage. Est-ce que c'était le monde au premier matin de la création ? Est-ce que c'est le monde aujourd'hui que nous cherchons préserver après l'avoir beaucoup, beaucoup transformé ? Alain Touraine, on aimerait comprendre dans cette affaire où est l'ennemi de la modernité ? Alors, l'ennemi de la modernité, c'est d'abord tout bêtement le refus de la modernité, de dire nous avons dépassé. Alors comment on justifie, comment les détracteurs de la modernité justifient leur position ? Oh, je pense qu'ils la justifient essentiellement, depuis toujours, par l'idée de la fin du monde, parce que les ressources ne sont pas suffisantes pour assurer toute cette population. C'est depuis Malthus, on entend parler de ça sur tous les tons, et c'est l'idée écologiste fondamentale, qui à mon avis n'est pas tellement intéressante. C'est une dramatisation. Oui, mais je pense que c'est surtout faux, comme ça a été très montré en France par Serge Moscovici, qui a dit « Chaque fois qu'il y a un état historique, il y a un état de nature qui l'accompagne. » Mais il n'y a pas l'état de nature. L'état de nature change comme l'état de l'histoire. Les choses changent ensemble. Et nous, d'ailleurs, nous en apercevons très bien, M. Rocaud nous indique, par exemple, qu'il imagine, lui, non pas un état d'histoire, mais un état de nature qui change. L'homme qui change. Bon, ça, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas compétence pour le savoir, mais je trouve que c'est une réponse tout à fait acceptable pour dire que ce n'est pas là que le problème. Le problème, c'est davantage de savoir si nous restons maîtres de ce que nous faisons, si nous sommes des créateurs ou simplement des gens qui sont manipulés par ce que nous avons créé. Qui nous laissons infantiliser, on pourrait dire, endormir, assoupir. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième Ça, c'est pas très grave. Non, ce qui est grave, c'est plutôt quand nous créons un ordre autoritaire. C'est ça qui est grave. Quand nous ne percevons pas la dimension éventuellement totalitaire d'un projet qui a l'air formidable dans un premier temps pour l'humanité. Oui, mais qui a toujours eu Et qu'on habille en expliquant que c'est le progrès, que c'est plus confortable, que ça va nous débarrasser de servitude. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est que c'est pas la nature qu'il faut accuser en bien ou en mal, c'est que c'est notre création en tant que créateur du monde nous fait courir le risque de devenir les esclaves de ce que nous avons créé et dont nous disons qu'ils sont créateurs. Ça s'appelle l'apprenti sorcier, n'est-ce pas ? Si vous voulez, Faust. On va revenir à une image, ou à un clivage en tout cas, qu'introduit Yves Roucoud dans son ouvrage, donc Le bel avenir de l'humanité. Yves Roucoud, vous renvoyez dos à dos ce que vous appelez les apocalyptiques. Bon, les réactionnaires de mon espèce, sans doute. Et d'autre part, les ultras du transhumanisme. Alors, vous pouvez nous décrire les apocalyptiques d'un côté et d'autre part, les ultras du transhumanisme ? Oui. Sachant que quand vous faites votre liste... Moi aussi, j'en jette les deux. Oui, oui. Alors, quand vous faites votre liste, hein, abolition du travail, les robots, les cyborgs, le corps bionique, les bébés sur mesure, le clonage, la téléportation, etc., ça ressemble un peu au programme... Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, le travail, je sais ce que c'est. Oui. Le non-travail, je ne sais pas ce que c'est. Donc... comment est-ce qu'on peut dire que le travail disparaît ? Comment est-ce qu'on peut dire ça ? Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, quels sont les secteurs d'emploi qui se développent ? Ce ne sont pas des secteurs d'intelligence artificielle. Non, les services, ça, notamment. Ces choses-là, c'est comme l'automation avant, et avant comme la mécanisation, ça disparaîtra progressivement, c'est vrai. Mais ce qui se développe de plus en plus, c'est quand même les relations... La communication, si vous voulez, le rapport du médecin et du malade, ce n'est pas la même chose que le diagnostic médical. Et tout ça assisté plus ou moins par des serveurs, des ordinateurs, des logiciels, mais ça n'empêche pas. Oui, mais ça... Mais je crois, Alain-Antoine, que dans l'esprit d'Yves Roucoud, il parle davantage des emplois. Je peux peut-être en parler un tout petit peu, mais voilà. Non, merci. Concrètement... il faut reprendre l'ensemble, parce que là, visiblement, on patauge sur un truc très simple. C'est que nous sommes dans un univers où, et vous avez cité effectivement la question des cyborgs, des corps bioniques, des transformations, etc. Nous sommes dans un univers absolument merveilleux, dans la mesure où, pour la première fois, nous mettons, justement, et là je suis d'accord avec notre ami Touraine, nous mettons en avant la créativité humaine en tant que créativité humaine. Ça signifie quoi ? Ça signifie que l'humain se découvre dans sa puissance créatrice et se libère des tutelles. Et l'humain, et bien sûr la femme et l'homme, et j'insiste bien sur la femme, dans mon livre j'explique pourquoi la femme est une des clés de compréhension de cette histoire humaine et de ce bouleversement aujourd'hui, c'est la nouvelle place de la femme dans l'histoire. Et nous sommes donc en face d'un bouleversement, d'un tsunami qui est en train de renverser l'ensemble des valeurs que nous avons et des modes de vie que nous avons jusqu'ici. Exemple très concret, la question de la mortalité, par exemple. C'est pour ça que je trouve ces mondes merveilleux. La question de la mortalité n'est plus considérée comme une nécessité, mais comme un problème et un accident. C'est-à-dire qu'on va travailler là-dessus. Je ne dis pas qu'on va trouver des solutions, mais on travaille, par exemple, et c'est ce que j'explique dans le livre, par exemple, sur la télomérase. On explique comment, justement, le raccourcissement des gènes peut être limité. On a fait sur les souris des expériences, on a réussi à les bloquer. On a des animaux, par exemple, des méduses qui vivent éternellement en se reproduisant, des mini-méduses. Là, c'est bien le thème de l'humanité augmentée. Non, mais attends, pour ça que je réponds vraiment à la question que vous m'avez posée au départ, sur la question de savoir le rapport entre les apocalyptiques, vous me disiez, et les ultras du transhumanisme. D'abord, donc, ça, c'est les faits. Le fait, c'est que la mortalité est conçue maintenant comme un problème et non plus comme une fatalité. Deuxième chose, le bonheur n'est plus conçu non plus comme quelque chose d'illusoire, mais en fonction de la puissance créatrice, comme la réalisation de soi. Troisième chose, la question de l'environnement est prise à l'endroit, c'est-à-dire que c'est plus le culte de la terre, comme on le voit encore chez les archaïques écolos, mais c'est la culte de l'humanité, c'est-à-dire l'humanité, la terre, d'accord, mais l'humanité... Dans sa relation à la terre. D'accord, l'humanité, d'accord, la terre... Moi, je suis plutôt de votre côté. Oui, mais bien entendu. La terre, d'accord, mais l'humanité, d'abord. Voilà ce que ça veut dire, etc. Donc, si vous voulez, j'essaie de montrer que quelque chose se produit, quelque chose qui est une sorte de révolution qui balaie l'ensemble des circuits de pensée humaine. La question des emplois est une question, j'ai envie de dire, est une question qui vient parce que la question de l'intelligence artificielle, donc de la créativité humaine, bouleverse le rapport au travail et le rapport aux emplois. Dans les études que fait le très sérieux Institut d'Oxford, par exemple, qui a travaillé justement sur l'ensemble des 702 types d'emploi, la conclusion, et c'est confirmé par les études de Californie qui sont produites aussi là-dessus, la conclusion, c'est que déjà aujourd'hui, 47% des emplois aux États-Unis et 49% au Japon pourraient déjà être utilisés et faits par l'intelligence artificielle. Et la projection, c'est plus de 75% pour 300 de ces emplois, 75% seront d'ici 2040 supprimés. L'emploi et le travail, il faut être contemporain. Ça ne veut pas dire la fin de l'activité humaine. Quand Picasso produit des œuvres, il n'est pas dans le travail, il est dans la créativité. Quand vous prenez par exemple la naissance de Facebook ou la naissance de Google, alors je ne vais pas le raconter dans les détails parce qu'on n'a pas trop le temps, mais je raconte dans mon livre comment justement ceux qui ont fait ça se sont amusés. Ils ont d'ailleurs été virés d'Harvard, ils ont été virés des grands trucs, ils sont partis avec leur licence, etc. Tous ces créatifs-là sont des gens qui ne sont pas des héritiers, par exemple. La fin de l'héritage, on ne se rend pas compte ce que ça veut dire. On regarde les plus grandes les 20 premières fortunes du monde, il n'y a qu'un seul héritier. Tous les autres, c'est des gens qui sont arrivés par leur créativité, etc. La créativité, c'est pas une question de temps de travail, c'est une question d'intensité. Newton, il a son idée, on le raconte, mais dans l'histoire de Newton, il semble que ce soit assez vrai. Il est dans son parc, il est en train de regarder, enfin, il est assis, il voit une pomme tomber, etc. Ça se fait en un instant. Merci à l'inverse, Denis Papin, ça va se faire en très longtemps. Thomas Edison, lui, c'est, par exemple, Edison, il ment à son employeur, il est dans sa petite chambre de bonne, il ment à son employeur. Je raconte l'histoire de Thomas Edison parce que c'est vraiment frappant. Il a accepté un téléphone, il ment à son employeur, il vole, etc., etc. Et puis voilà. Et puis il crée comme ça dans son truc. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que le nouveau monde qui arrive là, la déferlante qui nous arrive, elle ne sera pas arrêtée. Elle est inarrêtable. Et quand vous me parlez maintenant, je suis désolé d'être un tout petit peu long, mais je ne l'ai pas été jusqu'à présent, quand vous parlez du nationalisme, de ces résurgences, oui, parce que le vieux monde résiste. Je veux dire, c'est logique. Il y a quand même beaucoup de désarroi par rapport à ce qui se passe. C'est ce que j'appelle l'insécurité culturelle. Oui, bien sûr. Par exemple, on parle bien d'insécurité culturelle. Oui, mais c'est exactement ça dont il s'agit. Par exemple, moi, je vois les débats sur la PMA, la GPA. Vraiment dur, mais c'est des débats déjà dépassés. La question se pose même plus là. Pourquoi ? Parce que nous sommes déjà en train de construire du vivant dans ce qu'on appelle les bébés éprouvettes. On est en train de transformer les gènes. On est en train de faire du clonage de nos organes, du clonage humain. Les questions, les sciences avancent tellement vite, si vous voulez, que nous sommes en construction. Vous savez, moi, quelqu'un m'a dit, oui, mais Dieu dit que... Moi, je veux dire quelque chose. On va admettre ce Dieu, l'existence de ce Dieu. On va l'admettre comme une hypothèse à laquelle personnellement je crois d'ailleurs, mais qu'importe. Je me moque de savoir si les gens y croient ou pas. Dieu est créateur. Il nous a construit à son image. Il nous a construit créateur. Je m'oppose à Harari. Harari dit nous sommes homo sapiens. On n'a jamais été homo sapiens. Sapiens. Alors, il faut dire deux mots quand même. Hein. Yuval Harari, donc, c'est l'auteur de best-seller. D'un côté, il y a Homo sapiens, c'est le premier tome, donc, qui est paru en 2015. Et puis depuis, on a eu droit à Homo de Deus. Donc une brève histoire de l'avenir. Et vous, effectivement, revenez sur le propos de... Parce qu'il ne comprend pas le... De Harari. Il ne comprend pas ce qui... Parce qu'il comprend pas. Mais lui, il décrit surtout les choses. Non, non, mais lui, il ne comprend surtout pas ce qui se passe. Parce que lui, il est persuadé que l'homme est un homo sapiens, intelligent. Donc, il définit l'homme par son intelligence, comme si les animaux ne l'étaient pas. Il dit que c'est né vers 170 000 ans avant Jésus-Christ. C'est né, en réalité, 320 000 ans. Mais qu'importe, je parle de la forme morphologique de cet humain qui a eu le pouce opposable, qui a descendu du larynx, qui était bipède, etc. C'est environ 320 000 ans avant notre ère. Qu'importe. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que justement les autres animaux sont intelligents. Ce qui sépare l'homme de l'animal, c'est la créativité. Nous sommes les seuls êtres vivants à construire notre univers et à se construire nous-mêmes. Et donc, ce qu'il ne comprend pas, parce qu'il confond à peu près tout, excusez-moi, je suis très dur, mais c'est vrai, je suis désolé, c'est un vrai... Non, mais le marketing, je ne suis pas contre, mais il y a un vrai problème là-dessus. Il dit, l'homme est intelligent, il y a des machines intelligentes, donc un jour, les machines seront plus fortes que nous, et on va broyer. Mais le mot intelligence, quand il s'agit des machines, c'est 5 activités humaines, pas plus. Le cerveau humain, c'est des milliers d'activités humaines. Évidemment, la machine, elle rêve pas. La machine, elle n'est pas capable de mentir, de simuler, de dissimuler. La conscience de soi qu'évoquait Alain Touraine. Mais bien sûr, mais non, non, mais parce que ouais. Non, parce qu'il a raison, Alain Touraine. C'est la condition, cette créativité humaine, y compris pour ces machines, pour les créer. Les machines, elles sont incapables de reproduire le travail de la mémoire, un travail de produire le travail d'intelligence. Donc, pour finir, je dirais que là, l'énorme défi que nous avons aujourd'hui, c'est maintenant de penser la phase de transition avec tous ces emplois qui vont disparaître, parce que contrairement à ce que pensait Schumpeter, eh bien, il n'y aura pas de création, créatrice, voilà, ouais. Il n'y aura pas de compensation. Est-ce que ça n'a pas été vrai à un certain moment? Vous dites ça que a c'est toujours trop... été vrai dans l'histoire. Mais dans ça l'est plus. Mais ça l'est plus parce que ça va trop vite. Parce que quand, vous voyez, je prends, c'est pas moi qui le dis, c'est Jim Yong Kim, qui est le directeur de la Banque mondiale. Il explique que 2/3 des emplois vont être supprimés en Chine, en Éthiopie, en Malaisie. Ces emplois là ne pourront pas être compensés. C'est lui qui le dit, c'est le patron de la Banque mondiale, c'est pas moi. Mais c'est Alain Touraine. Non, là, quand même, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que les emplois qui sont supprimés, il y a eu les emplois paysans, il y a eu les emplois ouvriers, il y aura les emplois qu'on peut appeler bureaucratiques, disons concrètement. On appelle ça le tertiaire. C'est-à-dire les emplois qui sont basés sur des calculs. Or, ce qui se développe considérablement en ce moment, c'est les emplois qui sont basé sur des communications, sur des échanges, sur des influences qu'on exerce les uns sur les autres. Disons, les soins médicaux ou l'enseignement, ou les interactions, les intermédiations. Et tout ce que vous voudrez. Bon. Or, cela, c'était rien ou 0,1 pour 1000 il y a 100 ans. Et aujourd'hui, c'est déjà tout à fait considérable. Mais ça, c'est tout à fait autre chose. Il n'y a pas de raison de penser, c'est un autre problème, de savoir quand est-ce que les intelligences artificielles arriveront à prévoir, calculer les interactions qui mènent à de la communication, ou à d'ailleurs de l'apprentissage aussi. Ce qui est tout à fait différent des motivations et tout ça. Je dirais que ce qui m'intéresse, c'est de montrer que les activités non techniques se développent de plus en plus comme les activités qui sont à la fois orientées vers autrui et orientées vers des valeurs, y compris la domination de la nature, qui est une valeur parmi beaucoup d'autres. Donc, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est de savoir... Je donne tous les avantages du monde aux gens qui nous parlent de ce qui se passera peut-être dans 1000 ans. Mais... Là, c'est 2050. 90% des emplois disparus en 2050. C'est pas moi qui le dis. Mais c'est pas vrai. Bah, je sais pas. C'est ce que les gens. En tout cas, c'est ce que trois grands centres disent. Écoutez. Et c'est ce que dit le patron de la Banque mondiale. Et c'est ce que disent les gens qui sont dans les technologies. C'est quatre. Non, parce que je pense qu'il y a une confusion entre le mot emploi et le mot activité. Ce qui va disparaître, c'est le travail. C'est pas l'activité humaine. Je veux dire, quand l'architecte va produire son travail de Newton, c'est aussi du travail. C'est pas du travail. Non. Qu'est-ce que c'est? C'est pas le travail. Non, le rapport, c'est le travail, c'est un rapport de transformation de la nature. C'est la définition du travail. Qui a un rapport. Non. C'est la définition du ça travail. Ça ne suffit pas. C'est un rapport de transformation de la nature qui est un rapport avec la pénibilité de son temps. Mais la pénibilité, c'est une affaire des anciens chrétiens. Ça je ne vois pas qu'on s'enlise dans la question de savoir si c'est pour 2050 ou 2070. Je reviens juste sur un point. Non, je dirais que les travaux de calcul et de connaissance et de capacité de transformation de l'environnement sont des travaux qui reculent progressivement. Ils n'ont fait que reculer. Il en reste un pour mille. Et en faveur de quel type de compétences ou de métier, alors ? Alors, ce que vous appelez les relations personnelles, le contact. Pas seulement. Les échanges, l'enrichissement, on pourrait dire. D'abord, oui, c'est pas une brigade. Du relationnel. Ça s'appelle le social. Oui. Bon. Mais aussi l'inventivité. Oui, mais attendez, prenez l'exemple. Excusez-moi, mais prenez l'exemple de ce qui s'est passé en Grèce. La créativité et l'inventivité, elle est chez les aristocrates grecs qui ne travaillent pas. Tandis que les esclaves, les femmes, les animaux, qu'en réalité, d'ailleurs, Aristote met les trois dans le même sac, qui travaillent, ne créent pas. Et la richesse, elle est produite par des... Mais ce sera pareil demain. Vous parlez comme un citoyen d'Athènes. Mais pas du tout. Mais je regrette beaucoup. Mais ce n'est pas les esclaves qu'on produit la vis ou les moulins, c'est Archimède et c'est des gens qui ne travaillaient pas. Je peux vous renvoyer les choses pour dire que c'est la raison pour laquelle la science grecque n'a pas donné de technologie qui a bouleversé le monde. Mais ça, c'est une illusion faite par qui est produite dans les manuels modernes. C'est tout à fait faux. Archimède, par exemple, a produit énormément. Les aristocrates en France n'avaient pas le droit de travailler non plus. La vis sans machin, le moulin, la poulie. C'est pour ça qu'il a été appelé par Syracuse. Cette émission touche à sa fin. Il a été par tout ça. Les technologies. Il faut que je mentionne le titre de vos ouvrages, Défense de la modernité. Donc Alain Touraine, 384 pages. Le seuil, 24 € et le bel avis de l'humanité, la révolution des temps contemporains. Yves Rocaute, 506 pages chez Calman Lévy, 21,90 €. Il y aurait tant de questions à soulever, très chers amis. Par exemple, la gestation pour autrui n'est pas immorale. Mais est-ce qu'il y a encore une morale dans ce bel avenir? On en parlera une prochaine fois. Pour moi, oui. Merci à la Touraine. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.